عشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله تعالى on continue avec أشرات الساعة avec les signes de la fin des temps, et on est toujours avec les petits signes de la fin des temps. Et on s'était arrêté la semaine dernière avec le combat où concernant les combats avec ou contre les Turcs. Naam, on avait rappelé que ceci faisait partie des signes de la fin des temps. Comme قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح, le prophète عليه الصلاة والسلام nous l'a dit quand il dit لا تقوم الساعة, ne viendra pas l'heure. Donc on parle de la grande heure, pas de la petite heure, c'est-à-dire notre mort. ولكن la grande heure, le jour dernier. لا تقوم الساعة, ne viendra pas l'heure avant que les musulmans ne combattent, comme قال عليه الصلاة والسلام الترك. Il dit dans le hadith authentique, il parle des Turcs. Naam. Et les Turcs, on avait dit que concernant leur descendance, il y avait une divergence entre les savants. Et on avait cité un des avis concernant les avis des savants, qui disait que les Turcs étaient quelque part les cousins de Ya'juj et Ma'juj. D'accord, Ya'juj et Ma'juj, on en parlera bi'idnillahi azza wa jal. Ya'juj et Ma'juj, leur arrivée fera partie des grands signes de la fin des temps. Et ça fera partie, ou leur arrivée fera partie des plus grandes épreuves que va rencontrer Al-Insan, ici-bas. Et ça, on parlera, Inch'Allah ta'ala, de Ya'juj et Ma'juj, donc de cette tribu qui va venir. Et bien sûr, la venue de Ya'juj et Ma'juj, cette avenue-là fait partie des grands signes de la fin des temps. Donc certains gens de science ont dit que les Turcs étaient les cousins de Ya'juj et Ma'juj. Pourquoi? Car Ya'juj et Ma'juj sont les descendants de Nuh alayhi salatu wassalam, plus précisément d'un des enfants de Nuh, le prophète Nuh alayhi salam. Et pareil, les Turcs font partie de la descendance de ce même fils qui fait partie des enfants de Nuh alayhi salam. Et de là ils disent que, et un des quatre avis ou cinq avis des savants, ils disent que ce sont les cousins de Ya'juj et de Ma'juj. Ala kulli hal, ce qui nous importe, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé qu'il y aura des combats contre les Turcs, que les musulmans vont combattre les Turcs. Dans certaines versions, il y a le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ici a dit que les musulmans vaincront les Turcs. Et dans d'autres versions, on voit que c'est les Turcs qui vont vaincre les musulmans. Ce qui nous importe, c'est que ici, ce qui fait partie des petits signes de la fin des temps, c'est que les musulmans vont combattre et vont se battre avec les Turcs. Beaucoup de morts du côté des Turcs comme du côté des musulmans. Je parle des Turcs avant qu'ils n'embrassent l'islam, de ces Turcs qui avaient combattu l'islam, avant que les Turcs n'embrassent l'islam. Il y a eu des centaines et des centaines de morts du côté des Turcs et du côté des musulmans. Ensuite, walillahi alhamd, beaucoup de Turcs, même plus que cela, la majorité des Turcs, ont embrassé l'islam et ont été énormément jusqu'au jour d'aujourd'hui bénéfiques pour la communauté, et c'est ce qu'il faut retenir. Amma, le fait que ce signe a déjà eu lieu, ici ça a été prouvé par plusieurs récits. Comme l'a mentionné ici Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans Fathul Bari, et il rapporte que les premiers combats qui ont fait rage entre les musulmans et les Turcs, ceci fut à l'époque Umayyad, à l'époque de Muawiyah, radiyallahu anhu wa ardah. Et ça, c'est, les premiers combats ont éclaté, et les premiers combats qui ont fait, il y en a beaucoup de morts du côté des musulmans et du côté des Turcs, ici, eut lieu à l'époque de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et, walillahi alhamd, après, les Turcs, bien sûr, ils ont fondé de grands empires, et un grand empire musulman très connu, ici, qui est l'Empire Ottoman, et ils ont été énormément bénéfiques pour la communauté, walillahi alhamd. Et maintenant, quand on dit les Turcs, on dit les musulmans. Car les Turcs, bien sûr, de façon générale, sont des musulmans, walillahi alhamd. Et comme disent les gens de science, ça nous renvoie au hadith authentique où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, dans un autre hadith, je prends juz min hadha al-hadith al-sahih, khayruhum fil jahiliya, khayruhum fil din. Où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, les meilleurs d'entre eux, et il dit de façon générale, les meilleurs d'entre eux dans le paganisme, ça sera les meilleurs dans la religion. Et ceci a été prouvé. Par exemple, ici, concernant les Turcs. Ils ont combattu les musulmans pendant une longue période et les combats ont fait rage. Au jour d'aujourd'hui, walillahi alhamd, les musulmans, ici, englobent, ici, les Turcs aussi. Et les Turcs sont très bénéfiques pour la communauté. Et ils ont fondé un grand empire à leur époque. Le grand empire qui a renforcé quelque part l'islam aussi. Donc ici, ça nous renvoie au hadith que le prophète a dit, les meilleurs d'entre eux, de façon générale, dans le paganisme, c'est-à-dire dans le jahiliya, l'époque anti-islamique, d'accord, ce seront les meilleurs dans la religion. Continuez avec moi. Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, dans le même hadith, s'ils comprennent la religion, quand ils auront compris la religion. Et ça nous renvoie aussi à titre d'exemple à des grands compagnons, comme Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. C'est une personne qui buvait beaucoup d'alcool, qui a enterré sa propre fille vivante, qui a voulu combattre les musulmans. Walakin quand Omar radiyallahu anhu arda dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ar-rasulullah alayhi salatu wassalam, c'est devenu un pilier parmi les piliers, d'accord, qui ont renforcé cette religion. Et Allah a renforcé l'islam par la cause de Omar ibn al-Khattab. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu arda, qui était un grand compagnon, voilà qu'il avant son entrée dans l'islam, il a combattu les musulmans. Et ici, il a été la cause, ici, que beaucoup de musulmans ont trouvé la mort. Voilà qu'il, quand il a embrassé l'islam, Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu arda, a été un pilier parmi les piliers qui ont renforcé l'islam. Khayruhum fil jahiliya, khayruhum fil din. Et on retrouve ça au jour d'aujourd'hui. Les meilleurs, ou les gens qui étaient le plus dans l'excès, dans le haram, dans l'illicite, quand ils embrassent l'islam, et ça naqulu dhalika umuman, de façon générale, na'am, quand ils embrassent l'islam, et qu'ils ont compris comme il se doit la religion, et qu'ils utilisent les qualités qu'ils avaient dans l'illicite, d'accord, les qualités, ils étaient intelligents, c'était des gens débrouillards, des gens courageux, et quand ils embrassent l'islam et qu'ils ont une bonne compréhension dans la religion, quand ils sont dans l'islam, ils font partie des meilleurs éléments dans l'islam. Et ça, c'est connu au jour d'aujourd'hui, walillahi alhamd. Et ça, ce n'est surtout pas pour motiver les gens à aller faire le haram, abadan. Innamal a'malu bin niyyat. Walakin, ici, man taba taba Allahu alayhi, celui qui se repent et qui était égaré, quand il rentre dans l'islam et qu'il revient dans la religion avec les qualités qu'il avait, il les met au service de l'islam, il fait partie des meilleurs musulmans. Ad-dalilu ala dhalik, khayruhum fil jahiliya, خيرهم في الدين كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. نواصل إن شاء الله تعالى مع عشرات الساعة. On continue avec les signes de la fin des temps. Parmi les petits signes de la fin des temps. Donc là on a parlé le combat contre les Turcs, d'accord? Donc ça a eu lieu. Est-ce que ça a lieu au jour d'aujourd'hui? Non. Ça c'est un signe qui a eu lieu dans le passé, mais au jour d'aujourd'hui il n'est plus présent. Walillahi alhamd. On continue avec les signes de la fin des temps. Parmi les petits signes de la fin des temps. Parmi les petits signes de la fin des temps, qui a lieu ici au jour d'aujourd'hui, qui existe au jour d'aujourd'hui. Écoutez bien, fil massage, dans les mosquées, fil bouyout, dans les demeures, dans les pays, où que tu ailles, tu vas retrouver ce signe qui le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé il y a 14 siècles. Et ce signe n'est autre que quoi? Ou concerne plutôt al-amana. Al-amana, qu'est-ce que c'est que l'amana? Al-amana a plusieurs significations. Première des choses à savoir concernant al-amana, c'est-à-dire, si tu veux plus précisément, quand al-amana sera ou disparaîtra, d'accord, ou sera abandonné, sera délaissé, ne sera pas apprécié à sa juste valeur, si tu veux. À ce moment-là, sache que l'heure est proche. Comme قال عليه الصلاة والسلام. Comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. À ce moment-là, sache que l'heure est proche. Quand l'amana sera ou ne sera plus appréciée à sa juste valeur, sera délaissée, sera abandonnée. Qu'est-ce que c'est que l'amana? L'amana, c'est le contraire de quoi? L'khiyana. C'est quelque part le contraire, si tu veux, de la trahison. D'accord? Il faut bien comprendre ce que c'est que l'amana. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis l'amana, ils croient que ce n'est que Le fait que quelqu'un te donne 100 euros par exemple, et il te dit ça c'est une amana, c'est un dépôt, garde cet argent avec toi, ça y est, c'est ça la définition de l'amana. Je donne de l'argent à quelqu'un, il doit me les garder. Ça c'est une des branches de l'amana. Ça fait partie de l'amana. Mais ce n'est pas ça, l'amana dans sa définition complète. Écoute bien, ya Abdallah. L'amana, d'accord, ce qui est connu ici par ce terme en français, par la majeure partie des gens, le dépôt si on veut, voilà, on va voir précisément ce que c'est que l'amana. L'amana, son contraire, c'est la trahison. Et il peut avoir différentes définitions. Quand tu entends l'amana dans le Coran al-Karim ou l'amana dans l'ahadith al-sahiha, dans les ahadith authentiques, sache qu'il y a plusieurs, il a plusieurs définitions. Quelquefois, il peut vouloir dire la responsabilité. Al-amana, quelquefois, quand tu entends al-amana, sache que ça peut vouloir dire quelquefois la responsabilité. Quelquefois, al-amana, ça veut dire la loyauté. Al-amana, quelquefois, ça veut dire le dépôt. Naam. Al-amana, quelquefois, ça peut vouloir dire aussi, ici, yani, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ça dépend des contextes et du texte. Ça dépend des contextes et du texte. Ça peut vouloir dire quelquefois la religion. Ça peut vouloir dire quelquefois les actes obligatoires. D'accord ? Donc quand tu entends les actes obligatoires, ça fait partie de l'amana. D'accord ? Quand tu entends parler de loyauté, ça fait partie de l'amana. Quand tu entends parler de la responsabilité, ça fait partie de l'amana. D'accord ? Donc ça dépend du texte et ça dépend du contexte. D'accord. Et on va voir plus précisément, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jal, il parle de l'amana dans le Coran al-Karim. Et il donne ici l'amana dans sa définition générale, si on veut. Comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi turjuman al-Quran al-Karim. Ce grand savant, ici, de l'explication du Coran. Allah dit dans le Coran al-Karim. Et là, on va donner la définition général de l'amana. Faut bien comprendre ce sujet qui fait partie des sujets les plus importants dans la religion. Il va donner la définition générale de l'amana. Si tu veux, pour comprendre bien le titre. D'accord? Et ensuite, de là, va découler, ou ici, va dépendre de ce titre plusieurs branches. Et on va dire, ceci fait partie de l'amana. Ceci fait partie de l'amana. Ceci fait partie de l'amana. D'accord? Voilà qu'il y a la définition générale de l'amana. Écoute bien, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, dans sourate al-Ahzab, Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibal. Ah, Allah Azza wa Jalla l'a dit. D'accord? Inna aradna al-amana. D'accord? On a proposé avec une traduction approximative. On a proposé, écoute bien, aux cieux. Allah Azza wa Jalla il dit, on, c'est quoi? C'est qui? C'est Allah. Ce n'est pas Allah et les anges. Non, quand tu entends, Inna, nous avons, on parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Walakin, c'est, yani pour donner de l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux. Allah dit, on a proposé, d'accord? Al-amana. On va bien voir ce que c'est que l'amana dans sa définition générale. On a proposé al-amana aux cieux, ici, aux montagnes, à la terre, ou bien à la terre d'abord et aux montagnes. On a proposé al-amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Donc Allah Azza wa Jalla, cette amana, il l'a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes. Allah Azza wa Jalla, il dit ensuite, فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Ils ont refusé. C'est-à-dire, les cieux, la terre et les montagnes, ils ont refusé cette amana, ce dépôt-là. Ils ont refusé de le prendre. Allah Azza wa Jalla, on leur a proposé, mais eux, ils ont refusé. Allah, il dit dans le Coran al-Karim, ici, ils ont refusé de la porter, et en plus de cela, ils ont eu peur de ce dépôt. Ils ont refusé, et ils ont eu peur. Ça, c'est qui? On parle de qui? Des cieux, la terre, et les montagnes. Le jour où l'insan, wa qala ta'ala wa khuliqa l'insan da'ifa, on a créé l'être humain faible, n'en a pas peur. Illa man rahim Allah. Alors que quand tu vois les montagnes, sache qu'Allah a proposé aux montagnes de prendre ce dépôt. On va voir c'est quoi le dépôt dans les détails. Ils ont refusé. La terre, ils ont refusé. Les cieux, ils ont refusé. Et en plus de cela, wa ashfaqna minha, wa hamalaha l'insan, ils ont eu peur. ولكن الانسان l'être humain il a pris. L'être humain, il a pris ce dépôt, il a pris cette responsabilité. Naam, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Très injuste et très ignorant. Premièrement, prends ici en considération comme il se doit ce verset coranique. Ici, médite sur ce verset coranique et rappelle-toi que les cieux, les montagnes et la terre ont eu peur et n'ont pas voulu prendre Al-Amana. Le jour où Al-Insan, il aime prendre Al-Amana, le dépôt, il aime le dépôt, il aime les responsabilités. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai ou pas? Ça existe ou pas? Naam. N'oublie pas que les montagnes, ils ont pas voulu et ils ont eu peur. Les cieux, ils ont pas voulu, ils ont eu peur. La terre, elle n'a pas voulu, elle a eu peur. Il faut mettre l'accent sur ce verset coranique. Et souligner ceci plus de 1000 fois, ya Abdallah, que eux ils ont eu peur. Wa hamala al-insan, mais l'insan il s'en est chargé. Innahu kana zaluman jahula. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il dit al-amana hiya al-fara'id. Ibn Abbas il parle de l'amana. Dans ce verset coranique, il dit c'est quoi l'amana? Khlas. Cette chose dont les cieux, la terre et les montagnes ont eu peur, il dit c'est le fara'id. C'est tout ce qui est obligatoire. Tout ce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné, ça fait partie de l'amana. Ça, c'est pour ça, on a dit précédemment, ça c'est la définition générale. D'accord? Générale. C'est al-fara'id, comme a dit Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Tout ce qui est obligatoire, c'est une amana. As-salah, c'est obligatoire? Amana. As-zakat, amana. Naam? Ici, le fait de faire le pèlerinage, amana. Tout ce qui est obligatoire, c'est une amana. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, c'est obligatoire ou pas? Amana. Ordonner le convenable, interdire le mal, c'est obligatoire. Amana. Venir à la mosquée, amana. Ici, ordonner le bien, c'est une amana. T'occuper de ta famille, c'est une amana. Tout ce qui est obligatoire qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire, c'est une amana. De façon générale. On a bien compris. Ici, Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il parle de l'amana, et quand il parle de l'amana, et il définit l'amana, Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il dit al-amana hiya ad-din, fad-din kulluhu amana. Ah, ça c'est encore une définition générale de l'amana. Et après on va voir de façon précise qu'est-ce que c'est que l'amana, ou alors plutôt les branches de l'amana. Clair? Il dit Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, la religion tout entière est un dépôt. Tout entière, toute la religion. Quand tu dis l'islam, regardez, l'islam c'est un dépôt. D'accord? La religion tout entière est un dépôt. Comme a dit Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Donc ces deux définitions se rejoignent. Ces deux définitions se rejoignent. Qala Ibn Abbas, al-amana hiya al-fara'id. Qala Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, al-amana hiya ad-din. Fad-din kulluhu amana. Il dit c'est la religion. Toute la religion est un dépôt. Donc tout ce qui concerne l'islam et tout ce qui fait partie de l'islam, c'est une amana. Quand tu entends قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام, tu te dis ah c'est une amana. Et quand l'insan il a pris considération de ça, wallahi al-azim, ça le pousse à craindre, ça le pousse à craindre encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et de donner encore plus d'importance à tout ce qui concerne cette religion. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Qu'ont-ils à ne pas méditer sur le Coran, les versets coraniques, ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? C'est un ordre, ici, de méditer sur le Coran. Parce que quand tu médites sur le Coran, wallahi al-azim, ça n'a rien à voir, ici, au fait que tu lises le Coran sans méditation. Et pour méditer le Coran, il faut comprendre le Coran al-Karim. Et si tu n'apprends pas l'explication des versets coraniques à la يعني fahmi ou bi fahmi salaf al-umma, tu ne pourras pas méditer comme il se doit. Et Allah dit dans le Coran, qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran, ou ont-ils des cadenas dans leur cœur, wal iyad billah. Quand tu lis un verset coranique et tu l'as compris et tu le médites, ça n'a rien à voir avec le fait de lire un verset coranique sans le comprendre ni le méditer. Et c'est pour ça que ici, quand on comprend vraiment ce verset coranique et la définition de l'amana, khalas, ça nous pousse à méditer, à comprendre mieux le verset coranique, et ça, c'est une cause que notre foi monte. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala wa ghayru min ahli al-'ilm, ils disent, il est préférable à la personne de lire un verset coranique, ayah, un seul verset, avec méditation et bonne compréhension, que de lire tout le Coran entier sans méditation et sans compréhension. Regardez Ibn al-Qayyim al-Ulama, ahlu al-dhikr, ahlu al-'ilm. Il dit, c'est mieux pour toi que tu lises un verset. Lis ce verset coranique. Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibal. Fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha l'insan. Innahu kana zalouman jahula. Combien de temps? 20 secondes, 15 secondes. C'est meilleur pour toi si tu l'as compris et tu médites que wallahi wa rabbi al-ka'ba kama qala ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala, que tu lises de surat al-fatiha, fatihatul kitab, jusqu'à surat al-nas. C'est meilleur pour toi. Regardez l'importance de la méditation. Mais comment tu veux méditer si tu ne comprends pas? Et comment tu veux comprendre si tu n'apprends pas? L'importance de quoi? Al-ilm. Kama qala alayhi salatu wa salam, kama ja'a fi sahih, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage, l'acquisition de la science est une obligation, comme le prophète a dit, pour tout musulman. Musulman et musulmane, bien sûr. Naam, regardez maintenant qu'on comprend mieux le sujet. Quand tu comprends ce sujet-là, le sujet de l'amana, et tu te rends compte et tu médites sur ce verset coranique, khalas, tu as compris, tu dis subhanallah. Au jour où les gens se battent pour prendre les responsabilités, ils jouent avec la religion, ils ont délaissé la prière, ils ont délaissé zakat, et après, ici, ils s'enflent d'orgueil, illa man rahim Allah, les montagnes, les cieux et la terre n'ont pas voulu prendre cette responsabilité. Ils n'ont pas voulu prendre cette responsabilité, c'est-à-dire de faire quoi? De prendre cette responsabilité qui est dîn, la religion, les obligations, as-salah, as-zakat, al-hajj, al-umrah. Ici, ça, ils ont pris la fuite, ils ont eu peur. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. Ils ont eu peur de cette responsabilité. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Et l'être humain a pris cette responsabilité. Les gens vont dire, oui, mais quel être humain? Tous, ils aiment les responsabilités, illa man rahim Allah. De façon générale, al-insan, on voit que, en général, l'être humain, il a cette attirance vers les responsabilités. Et on voit maintenant ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Pourquoi, ici, il y a des gens, d'accord, qui se font scandaliser, et qui étaient au summum de la gloire. Pourquoi? Ils aimaient quoi? Ils aimaient les responsabilités, wal-iyadu billah. Continue avec moi, ya Abdallah. Donc là, on a compris que quoi? L'importance de l'amana. Vous avez bien compris ça. Ça fait partie, fawarabbi al-ka'ba, des sujets les plus importants en islam. On a vu la définition de l'amana, le dépôt, de façon générale. L'amana, c'est quoi? Khalas. L'amana al-fara'id. Hiya al-fara'id. D'accord? C'est comme il a dit Ibn Abbas. Hassan al-Basri, il a dit c'est la religion. Donc on sait, quand tu entends l'amana, tu sais que c'est toute la religion. On a compris. Ou bien les actes obligatoires. Continue avec moi concernant l'amana. Où elle est la preuve, ya Abdallah, que ça fait partie des signes de la fin des temps? Plus que cela, tu as dit précédemment, quelqu'un va me dire, mais tu as dit non. Quand l'amana sera trahi et sera délaissé, فَمْتَظِرِ السَّاعَ. Attends l'heure. Donc c'est la preuve que l'heure est proche. Suis avec moi. Rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Un bédouin arabi est venu voir le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, ya Mohammed, mata sa'a. Il lui a dit, quand viendra l'heure? Un bédouin. Il lui a dit, quand viendra l'heure? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, idha duyi'ati l'amana, famtadhiri sa'a. Il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand le dépôt, d'accord, l'amana, on va dire l'amana. Mais on avait dit quoi, l'amana tout à l'heure? Ah, dans la première définition, on a dit quoi? L'amana, c'est le contraire de quoi? La trahison. Et l'amana, quelquefois, ça dépend du texte et du contexte. On a dit ça. Et l'amana, quelquefois, ça désigne la responsabilité. Quelquefois, ça désigne le dépôt. Quelquefois, ça désigne la loyauté. D'accord. Walakin, de façon générale, définition de l'amana, le titre, de façon générale, c'est quoi? L'amana, hiya ad-din, fad-din, kulluhu amana. C'est-à-dire, c'est toute la religion. Walakin, ça dépend. Après, c'est du cas par cas. Ça peut vouloir dire ceci, cela, etc. Walakin, tout ceci fait partie de quoi? La religion. On est d'accord. Ça fait partie de la religion. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu quoi au bédouin, al-arabi, quand il a dit, mata sa'a, quand sera l'heure? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, idha duyi'ati l'amana. Mais le hadith, il continue. Et la suite du hadith nous montre que l'amana, ici, ça concerne al-mas'ouliya, la responsabilité. On a dit d'après le contexte et les textes, on a compris. Regardez la suite du hadith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, tu veux savoir quand viendra l'heure? إذا ضيعت إذا ضيعت الساعة إذا ضيعت الأمانة عفوا. Ici, si, avec une traduction approximative, elle est abandonnée. Elle n'est plus appréciée à sa juste valeur. Quelque part, elle disparaît. Cette amana attend, فانتظر الساعة, attend l'heure. Na'am. Ici, le prophète عليه الصلاة والسلام a parlé de quoi? La responsabilité. Quand les responsabilités vont être abandonnées, ils vont être délaissés, ils vont être négligés, attend l'heure. Ça y est, attend l'heure. فانتظر الساعة. Écoute bien la suite. Il a été interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام. En quoi consiste sa disparition? Khalas, quand la responsabilité, elle va être délaissée, elle va disparaître. En quoi consiste la disparition, le délaissement? Ici de quoi? La responsabilité. Donc on a dit la responsabilité, ça fait partie de quoi? La religion. Donc ça c'est une des branches de al-amana, du grand, du dépôt. Donc ici avoir une responsabilité. Être responsable, donc c'est quelque part maintenir entre ses mains, hein, un dépôt. On a bien compris. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a répondu à cet homme-là quand il lui a dit en quoi consiste sa disparition. Il dit quand l'autorité, écoutez bien, quand l'autorité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, à ce moment-là attends l'heure. Donc il lui montre que ça y est, l'heure elle est proche. Quand l'autorité elle sera donnée, ici l'autorité, les responsabilités seront données à celui qui n'en est pas digne, فانتظر الساعة, attends l'heure. C'est-à-dire que quand on va nommer des gens à la tête, d'accord, d'autres personnes, alors que ces gens-là ne méritent pas, attends l'heure. Ça existe aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui ou pas? Mashallah. Il n'y a que ça. En général, il n'y a que ça. De façon générale, il n'y a que ça. On voit que ça. D'accord? À grande échelle et même à petite échelle. Malheureusement. Que ça soit, ici, président. Et président de quoi? À grande échelle, à petite échelle. Il y a les grandes et petites échelles. Parce qu'il y a des gens, ils ont tendance à parler avec ignorance. Al-Jahl. Vous savez très bien que Jahl, c'est une des meilleures armes de qui? Iblis. La'anahullah. Pourquoi? Parce qu'avec Al-Jahl, tu peux même tomber dans la mécréance, wal'iyadu billah. Tu peux faire des dégâts, ici, à cause de l'ignorance. Il y a des gens, tu les entends parler, sur Al-Hukam, les gouverneurs. Par exemple, les gouverneurs arabes musulmans. Oui, mais ceux-là, c'est des koufars. Pourquoi? Parce que Allah a dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Il sort les versets coraniques et il les explique et les interprète comme lui il le veut. Mais écoutez bien, c'est pas ici ça le clou de l'histoire si on veut. Ici il dit, Allah Azza wa Jalla dit, celui qui gouverne avec des lois autres que celles d'Allah, ce sont eux les mécréants. Il sait même pas si c'est une grande ou une petite mécréance, etc. Bref, il aime rendre mécréants les gens. Il dit, regarde ces hukam, ces gouverneurs, eux c'est des musulmans. Regarde, ils ont l'argent. Et ils sont dans le zulm jour et nuit, etc. Bien sûr qu'il y a des gouverneurs qui sont dans l'injustice, qui font de l'injustice. C'est une réalité. Walakin, des gens aiment parler de jour comme de nuit sur des gens qui ont de grosses responsabilités, qui gèrent, ce n'est pas des centaines d'euros, des millions et des millions d'euros entre les mains. Vous savez très bien que l'insan, il est faible. Nous-mêmes, il suffit qu'une personne, on voit, on parle des gens normaux de façon générale, quand il a juste un poste où il touche 2 ou 3 000 euros, c'est ikhlas. Il gonfle sa poitrine, il met un costard cravate, presque il ne dit pas salam alaikum. Que vas-tu dire de cette personne si Allah lui met entre les mains cette grande épreuve qui est des millions d'euros? Si tu fais toujours la prière, mashallah, tabarakallah. Attention, ils sont beaucoup éprouvés. Eux, ils ont des millions, ils ont la notoriété, ils ont la gloire. Entre guillemets, ils ont ce qu'ils veulent. Concernant ad-dunya, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de cautionner ce qu'ils font. Abadan. Walakin, quand tu vois des gens qui passent leur journée à critiquer les hukam. Mais quand tu lui dis, hey, mon frère, ya akhi al-habib, doucement, al-amana, c'est un dépôt, ce qu'ils ont, c'est une responsabilité. Responsabilité, c'est une amana. D'accord? Walakin, al-amana, elle est à grande échelle et à petite échelle. Elle n'est pas qu'à grande échelle, elle est à petite échelle. Toute personne qui a une responsabilité, il a une amana entre les mains. Donc eux, tu les critiques parce qu'ils n'assument pas bien leur responsabilité. Mais as-tu oublié que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, écoute bien, kullukum ra'a. Ah, il a dit quoi le prophète? Vous êtes tous. Il l'a dit ou pas? Vous êtes tous. C'est pas que le hukam. C'est toi aussi, Abdullah. Vous êtes tous responsables. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Ah, toi tu es responsable. Moi j'ai aucune responsabilité, akhi. Je suis ni président, je suis ni trésorier, je suis... T'es marié? Oui. t'as une responsabilité. T'as des enfants? Oui, t'as une responsabilité. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, khlas. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas concernant l'amana? C'est quoi l'amana? Ah, al-fara'id, les actes obligatoires. Qu'est-ce qu'il a dit Hassan al-Basri? C'est la religion. Ah, t'es musulman? Na'am, tu as une responsabilité. Qu'est-ce que tu fais avec cette religion? Tu la transmets? Tu apprends ta religion? Ah, moi, khlas, moi je suis un ignorant. C'est une amana la religion. Tu fais salah? Oui, mais pas toujours à la... Tu as trahi ici une responsabilité, tu as trahi un dépôt, ya Abdallah. Tu as trahi quelque part al-amana. Donc ici, tu es responsable. Vous êtes tous responsables. Et on sera tous interrogés sur nos responsabilités. Ton corps. Ah, ton corps. Il t'appartient pas. As-tu oublié la parole d'Allah Azza wa Jal? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à qui? À Allah. Ton corps, c'est une amana. Tu fais pas ce que tu veux avec ton corps. C'est une amana. Donc quand toi, alhamdulillah, tu auras assumé comme il se doit toutes tes responsabilités, va parler jour et nuit des hukam. Et il y a des gens, mashallah, ils parlent jour et nuit des hukam, des gens, etc. Ils aiment. Walakin, quand tu lui dis, toi, t'en es où avec quoi? Avec tes centaines de dépôts que tu as entre les mains. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, et le hadith est rapporté par Muslim, il dit bien, toute personne à qui Allah a confié une autorité, et celui-là trahit ceux qui sont sous son autorité, celui-là trahit ceux qui sont sous son autorité, il ne parle pas que des hukam, tout le monde. Allah Azza wa Jal lui interdira l'entrée au paradis. Khalas. Ici, il y a des gens qui aiment bien sortir le verset coranique. Al-rijal, qawwamuna ala nisa. Allah Azza wa Jal dit. Les hommes, ils ont une autorité sur les femmes. D'accord? Ils ont une force de plus que les femmes de façon générale. D'accord? Et les gens, ils s'en vantent en disant, khlas, nous on est les hommes, khlas, Allah Azza wa Jalla dit, al-rijal, qawwamun, ala nisa. Voilà qu'il ici. C'est pas un verset coranique qui va te pousser à t'en vanter et à te glorifier. Voilà qu'il, au contraire, ça doit te faire peur. Pourquoi? Ça, c'est une responsabilité. Allah te rappelle que quoi? Tu as une responsabilité. Donc quoi? Tu as l'autorité. C'est toi qui as l'autorité. Et le prophète dit, toute personne à qui Allah a confié une autorité qui trahit ceux qui sont sous son autorité, Allah Azza wa Jalla lui interdit l'entrée au paradis. Donc si toi, tu es fier quand tu es responsable d'une famille, d'une mosquée, d'une association, d'un pays, d'une ville, de quoi que ce soit, tu es fier, n'oublie pas, ya Abdallah, n'oublie pas que tu rendras des comptes sur cette amana. Et si tu ne t'occupes pas comme il se doit de cette amana et tu trahis ceux qui sont sous ton autorité, l'enfer, ici, ou plutôt le paradis, te sera interdit comme le prophète alayhi salatu wassalam a rapporté dans Muslim, comme il a dit dans le hadith rapporté par Muslim. Donc ça doit te faire peur. Tu ne dois pas t'en vanter jour et nuit. Naam, quand toi tu dois la prendre, tu dois l'assumer. On n'a pas dit maintenant la personne elle va prendre la fuite, je ne me marie plus, je ne veux pas d'enfant. Dans tous les cas, t'es musulman, tu as une amana, ya Abdallah. Ah, vous comprenez maintenant le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, « Inna aradna l'amanata ala samawati wal ardi wal jibal, fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha » وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Ah là, ça fait peur. Parce que là, vous dites, oh, mais khlas, maintenant, on est cerné de partout avec l'amana. Walakin Allah l'a dit, on a proposé l'amana. Ici, à qui? Aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé, ils en ont eu peur. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont refusé, ils en ont eu peur? Au jour d'aujourd'hui, ou quoi? L'insan, il aime les responsabilités. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et ça, c'est une erreur grave qu'on retrouve dans la communauté, à grande et à petite échelle. Donc avant de parler des hukam, parce qu'ils n'assument pas leur amana, toi, est-ce que tu assumes ici tes dépôts et tes responsabilités comme il se doit? Et est-ce que ici, tu te comportes comme il se doit selon le Coran et la Sunna bi fahmi salafil umma? Et est-ce que tu as compris que l'amana, c'est général et c'est toute la religion? Ton corps est une amana. Tes enfants sont une amana, ton épouse est une amana, toi, ma sœur, ton mari est une amana, ta maison est une amana, est un dépôt quelque part. Tout ceci fait partie de la religion et tout ceci font partie de ce qu'on appelle al-amana dans son sens ici général. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'autorité sera confiée à ceux qui n'en ont pas les capacités, qui ne méritent pas, attends-toi à l'heure. C'est pour ça que nous disons, à grande et à petite échelle, ceux qui détiennent les commandements et les responsabilités sont les gens les plus dignes de confiance. Doivent être les gens les plus dignes de confiance. Billahi alaykoum. Ici, comment on veut avancer comme il se doit, bien que cette communauté est la meilleure des communautés et restera la meilleure des communautés sur la surface de la terre jusqu'au jour de la résurrection, mais comment on veut avancer, d'accord, du bien vers le meilleur comme il se doit, alors qu'on n'a pas compris ce sujet. Alors qu'on n'a pas compris ce sujet. Quand tu vas dans des mosquées, et dans la plupart des mosquées, les responsables de mosquées en général, illa man rahim Allah, wallah, de façon générale, d'après ma petite expérience moi, d'après ma petite expérience que j'ai, ici, c'est des gens qui quelquefois, malheureusement, quelquefois, wallah, ils ne connaissent même pas les règles des ablutions dans les détails. Les responsables de quoi? Baytullah, la maison d'Allah Azza wa Jalla. Comme on dit, on le répète souvent, une mosquée c'est quoi? C'est une maison qui fait partie des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une entreprise, c'est pas un magasin. C'est l'endroit le plus aimé d'Allah Azza wa Jalla sur la surface de la terre, c'est quoi? C'est les mosquées. Si tu vois dans les mosquées qui sont les endroits les plus aimés d'Allah Azza wa Jalla, les responsables qui n'ont pas un certain niveau religieux, est-ce qu'ils sont encadrés par ce verset coranique et ils sont encadrés par ce hadith qu'on vient de citer, oui ou non? Naam. Ici, les responsabilités, on les donne aux gens qui méritent. Quand tu vas dans un cabinet, on n'a pas tiré au sort, un cabinet de médecin, on n'a pas tiré au sort par rapport aux habitants de la ville pour dire, bon tiens, ici on va te mettre toi, ici chirurgien, toi on va te mettre dentiste, ou toi on va te mettre... Ah ben donne, la personne a fait ses preuves, il a atteint un niveau, il a mérité ce poste, oui ou non? Et après on le respecte, on l'appelle pas Michel ou Norbert, on l'appelle comment? Docteur. C'est un kafir ou pas? C'est un kafir. Même si c'est un kafir, on l'appelle docteur. Pourquoi docteur et on l'appelle pas Michel s'il s'appelle Michel? Hein? Par respect. Imagine-toi. Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec Michel. Vous croyez où là? C'est vrai ou pas? Ça, c'est chez les koufars qui ont compris le respect. Amma nous, dans la religion de l'islam, le respect, il a été délaissé malheureusement. Chez beaucoup de gens. Va voir les chiites, comme je donne souvent cet exemple-là. Bien que les chiites sont égarés. Walakin, quand tu vois, par exemple, on va pas faire un peu de politique, mais on va dériver un peu, tu vas en Iran, par exemple. C'est qui qu'ils ont mis à l'avant? C'est qui? C'est qui? Ah, c'est les guides religieux, ils le disent ou pas? C'est les guides religieux. Il y a la politique, walakin, c'est qui est à la tête? C'est la religion. Regardez, subhanallah, c'est la religion. Regardez, qu'on le veuille ou non, bien qu'ils sont égarés, bien qu'on ne consomme pas du tout la majeure partie des choses qu'ils font, walakin, regardez le niveau qu'ils ont atteint. Que ça soit au niveau économique, que ça soit au niveau puissance, est-ce qu'ils ont atteint un haut niveau par rapport à beaucoup de pays musulmans? Oui ou non? Oui. Walakin, ils ont fait devant c'est qui et ils respectent qui? Wallahi, même le président, quand il voit un responsable religieux ou un guide religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. C'est d'abord sa parole qui passe avant la sienne. Ils ont compris. Qaddam ad-din ya Abdallah. Devance la religion. Quand nous, ça se passera, là, à ce moment-là, il aura ce qu'on appelle al-khilafa. Walakin, pour avoir al-khilafa, ya ibadallah, il faut comprendre le verset coranique où Allah dit dans le Coran al-Karim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas son état. Il faut que les gens soient prêts pour qu'il y ait un khilafa. D'accord? Il faut que les gens soient prêts. Quand les gens auront compris ça, que les personnes religieuses doivent être mises en avant, et que chaque personne qui mérite un poste, c'est à lui de le prendre et pas un autre. Parce qu'il a telle ou telle réputation, ou telle connaissance, ou tel piston, ou telle hiérarchie. Non. Walakin, il a mérité ce poste. À ce moment-là, bi'idnillahi azza wa jal, fa wa rabbil ka'ba, on passera min al-hasana ila al-ahsan. Du bon au meilleur, incha'Allahu ta'ala. Walakin, tant qu'on va continuer comme ça, que ça soit à petit degré, parce que nous, ça nous dépasse à haut degré. Donc ne parlez pas des hukam, des gouverneurs, des ceci, des... Non, à petit degré. Quand toi, dans ta famille, tu vas garder ta place. Dans ta demeure, tu vas garder ta place. Tu vas prendre considération de cette amana, de ce dépôt. Quand on va te confier une responsabilité, tu vas l'assumer comme il se doit. Quand on va te donner un rendez-vous à 20h, tu vas pas venir à 20h15. Rendez-vous? Comment on appelle ça? Subhanallah. C'est une honte ou pas? Nous, on a l'islam. On a le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. On a les hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à titre d'exemple, comme le hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, Allah Azza wa Jal aime. Il aime quand son serviteur accomplit une action, an yutqina, qu'il la fasse de façon complète. Qu'il la fasse de façon parfaite. Qu'il la fasse de façon bien. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nous a laissé un mode d'emploi pour vivre ayyuhal ikhwat wal akhawat. La meilleure des créatures sur la surface de la terre, c'est Muhammad Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dit dans le Coran, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le comportement du messager d'Allah un excellent exemple. On a la meilleure des religions. On a la dernière des religions. On a le meilleur des livres, et avec ça, quand on dit un rendez-vous, yani, qui n'a pas eu lieu à l'heure qu'il fallait, on dit quoi? Un rendez-vous arabe. Le prophète alayhi salatu wasalam était un arabe. Quand il y a des caricatures, tu vois tout le monde musulman se lever, et il y en a qui font des manifestations, ils crament, ils cassent, ouais, le prophète, ils ont touché. Mais par contre, quand on lui dit, tu es où par rapport au comportement du prophète? Allah rabbi akhi. Et c'est ta faute qui critique le prophète. C'est ça qu'on n'a pas compris, nous. C'est de notre faute, fa wa rabbi al-Ka'ba, qui font des caricatures sur le prophète alayhi salatu wasalam. Allah, il n'a pas besoin de toi, ya Abdallah. On l'a dit plusieurs fois. Allah, il dit dans le Coran, in tansurullah, yansurkum. Si vous soutenez la religion d'Allah, Allah va vous soutenir. Allah, azza wa jal, il t'a dit, fais des manifestations, il crame tout. Ou Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le comportement du message d'Allah un excellent exemple. À cause de toi, on a sali l'image du prophète, alayhi salatu wasalam. Quand on te dit, viens à 20h, tu viens à 20h15, à cause de ton comportement, les gens ils disent quoi, les kuffars? Rendez-vous d'arabe. Et le prophète était un arabe. C'est toi qui salis l'image de l'islam. Donc qu'est-ce que tu vas parler des hukam? Déjà, comporte-toi bien comme il se doit avec toi-même, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec cette amana qui est quoi? La religion, ya Abdallah. Oui, mais ça c'est les rendez-vous. Continue avec moi. Travail? Le travail? Subhanallah. Le travail d'arabe. Rendez-vous d'arabe. On continue. Le téléphone? Subhanallah. C'est pas le prophète alayhi salam qui a dit quoi? Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le prophète il dit, ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est quoi? De délaisser ce qui ne lui le concerne pas. Ça, on a plusieurs hadiths et versets coraniques sur ce sujet-là. Plusieurs. Al-ghiba wa namima. C'est quoi? C'est quoi al-ghiba? Dhikruka akha bima yakra. C'est de citer ici ou parler de ton frère sur ce qu'il n'aimerait pas entendre. Ils ont dit à Rasulallah si c'est vrai. Il dit si c'est vrai, faqad ikhtabta. Là, tu es tombé plus que dans le riba, dans le namima, dans la calomnie, dans le mensonge, wal'iyadhu billah. On a tous ces versets, tous ces hadiths que les kuffars n'ont pas, les non-musulmans n'ont pas, et avec cela, c'est eux qui rient de nous et qui disent le téléphone arabe, le rendez-vous d'arabe et le travail d'arabe. À cause de qui? Wallahi al-azim, à cause de moi le premier. Et de façon générale, à cause des arabes musulmans qui ont sali l'image de l'islam. Donc avant de dire je veux sauver le monde et je veux jouer au grand politicien, Kofi Annan ou je ne sais qui, reste à ta place et Abdallah, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ta religion, occupe-toi de ta mosquée, occupe-toi des frères qui sont autour de chez toi, qui sont proches de chez toi, avant de vouloir sauver le monde et parler de politique pendant 10 heures. On est loin, wallah al-adim, on est loin, illa man rahim Allah. On a mal compris encore cette religion et ce sujet que je viens de traiter qui fait partie, fawarab bil Ka'ba, des sujets les plus importants en islam. Al-amana. Le dépôt et la responsabilité. Nous, on aime critiquer. Voilà qu'une quand nous, on a un dépôt entre les mains. Mais qui a un dépôt? Qui a un dépôt entre les mains? Tout le monde. Le prophète, il a dit, kullukum ra'in. Vous êtes tous. Tous, on a un dépôt. Tant que tu dis, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammad rasulullah, tu as un dépôt entre les mains, c'est la religion. Ta prière, c'est un dépôt, comme on a dit, le zakat, c'est un dépôt, apprendre ta religion, c'est un dépôt, la science, c'est un dépôt. Toute cette religion, comme a dit, ici, Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala est un dépôt. Tous les actes obligatoires sont un dépôt. Et ici, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatikum. Vous êtes tous responsables ici. Ici, et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Au jour de la résurrection, tu seras interrogé sur ta prière ou pas? Na'am. Sur tout ce que tu as eu comme, ou reçu comme obligation de la part de ton Seigneur et du prophète alayhi salatu wasalam, tu rendras des comptes. Allah dit dans le Coran al-Karim, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal, il le verra. C'est pour ça que Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, regardez ce qu'il dit. Et dans Fathul Bari, il dit, octroyer le commandement à celui qui n'en est pas digne se produit quand, à votre avis? Regardez les savants, les gens de science. Octroyer le commandement, la responsabilité, responsable d'une chose ou la, quoi que ce soit, ici, quand tu la donnes aux gens qui n'en sont pas capables, ça se produit quand quoi? Quand l'ignorance arrive. Et ça fait partie de quoi? Des signes de la fin des temps qu'on va le voir, incha'Allah ta'ala, la disparition de la science et la propagation de l'jahl, de l'ignorance, wal'iyadhu billah. Et ça se produit à notre époque au jour d'aujourd'hui. Tout à l'heure, on regardait avec les frères, ici sur internet, une petite vidéo où il y avait des gens, c'est dans un pays musulman, et des gens qui étaient interrogés. Des femmes voilées et des frères, des gens musulmans et musulmanes. Ils étaient interrogés, ils ont fait ça à plusieurs personnes, ils les interrogeaient, ils ont regardé comment, ils ont commencé par quelques questions. Deux questions. Citez-moi 10 joueurs de foot. C'était des musulmans, même voilés. Ils n'ont pas commencé par l'islam. Donc ils ont fait un avec une petite feinte. 10 joueurs de foot. et la personne, mashallah, même les femmes, hein, voilées, mashallah, dans un pays musulman, et les joueurs de foot. 10 chanteurs. 10 sahaba, ils restaient bloqués. Des femmes voilées, des frères dans l'islam. 10 compagnons, ils restaient bloqués. Au moins, dis Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, te fais pas honte. Au moins, dis ça. Wallah, l'adim, 10, ils restaient bloqués. Illa man rahim Allah. Amma, 10 chanteurs, faut les trouver. Même si tu es dans le haram, trouver 10 chanteurs, Allah al-musta'an. Et si 10 joueurs de foot, tout de suite, ils les disaient. 10 sahaba, ils restaient bloqués. Est-ce que ça fait partie de Asharatu Sa'a, qui existe au jour d'aujourd'hui? La propagation de l'jahl. Et quand les gens, on leur dit, faites des efforts, apprenez votre religion. Voilà, kinahi, c'est dur. T'as oublié la parole de l'imam Ahmed. Il n'y a rien qui égale la science pour celui qui a une bonne intention. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ils ont dit, ya imam, est-ce que c'est meilleur de faire la prière de la nuit ou de transmettre ou alors apprendre la science? Il dit, le meilleur, c'est d'apprendre la science. C'est meilleur encore que quoi? Que de faire la prière toute la nuit, ya Abdallah. Apprendre ta science. Il n'y a rien qui n'égale la science, ya Ibadallah. Au jour d'aujourd'hui, les gens l'ont délaissé. Et dans Fathul Bari, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, ici, octroyez le commandement à celui qui n'en est pas digne, se produit quand l'ignorance domine. Et la science disparaît, et ceci fait partie des signes de la fin des temps. Ah, quand l'ignorance domine, et la science disparaît, et il dit, et ceci fait partie des signes de la fin, les signes de la fin des temps. Wallahi al-adim, on voit ça même dans les demeures. Des gens qui se marient, wallahi al-adim, qui méritent même pas de prendre cette responsabilité. Ça existe ou pas? Des gens, ils sont mariés. Donc là, c'était responsable. Le prophète, il a dit, rapporté par Muslim. Je répète, c'est pas parce que j'ai rien à dire, hein. Sans se glorifier. C'est pour bien retenir, parce que les gens disent, je parle trop vite. Bien que ça soit enregistré, voilà qu'il je répète. Le prophète, il a dit, rapporté par Muslim. Toute personne à qui Allah, il a confié une autorité, et qui celui-là trahit ceux qui sont sous son autorité, le paradis lui sera interdit. Tu te maries. Et quand tu t'es marié, ici, tu es responsable. Tu as une responsabilité. D'accord? Donc, tu as pris une amana. Quand c'est pour s'occuper du foyer, ou ne serait-ce qu'aller faire les courses, ou bien éduquer sa femme dans la religion, ou éduquer ses enfants dans la religion, il n'arrive pas à assumer. Et après, il va parler des hukams qui ont des millions de dollars entre les mains et qui gèrent des millions de personnes. Reste à ta place, ya Abdallah. On est tous responsables, on sera tous interrogés sur nos responsabilités. N'oublie pas que les montagnes, et n'oublie pas que les cieux et la terre, ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité. Ouah. Ici, Allah il dit, et l'insan, l'être humain, moi et toi, on l'a prise. Et Allah Azza wa Jal, il rappelle que l'être humain est quoi? Il est injuste envers lui-même. Il est injuste envers lui-même. Ici, Allah, il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Les responsabilités, quand tu les prends, tu peux les assumer. Walakin, ici, tu n'as pas droit à l'insouciance et à la négligence, ya Abdallah. Et c'est une amana dont tu rendras des comptes au jour de la résurrection. Mu'adh, ou plutôt Abu Dhar al-Ghifari, rahimahullah ta'ala. Abu Dhar, radiyallahu ta'ala anhu warda, rapporté par Muslim. Abu Dhar, un grand compagnon du prophète, à l'époque du prophète. Il va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, avec une traduction approximative, dit, ya Rasulallah, nomme-moi, ou donne-moi une responsabilité, nomme-moi gouverneur de telle et telle contrée. Un compagnon, un grand compagnon. Les meilleurs des créatures sur la surface de la terre, après qui? Al-Anbiya, wal-Rusul, après les prophètes et les envoyés. Il a dit, nomme-moi responsable de telle et telle contrée. Qu'est-ce qui lui a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Maintenant, les gens, ils se battent pour prendre les responsabilités. À l'époque du prophète, il prenait la fuite. Omar, il pleurait. Il voulait pas prendre les responsabilités. Il suffit de revenir dans la sirah du prophète alayhi salatu wassalam, quand le prophète était mourant et qui dit à Aïcha radiyallahu anhu warda, dis à ton père Abu Bakr de présider la prière. Aïcha, elle a eu peur pour son père. Elle a dit, quoi mon père? Il va avoir toute la pression sur lui. Elle a dit, ya Rasulallah, c'est mieux Omar. Parce qu'elle savait qu'Omar était, il assumait. Parce que ça c'est clair, le fitan, ça a eu l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il savait qu'il faut quelqu'un de costaud. Parce que quand quelqu'un prend une responsabilité, en général, il n'aura pas que des amis. Faut pas rêver. Sinon, même les non-musulmans, ils aimeraient le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Tu ne pourras jamais être aimé par tout le monde. Ça n'existe pas. Et seul un ignorant dira ça. Tu auras toujours des ennemis. Et Allah a dit dans le Coran, on va faire de certains d'entre vous une fitna pour d'autres personnes. Ou pour certains d'entre vous. D'accord? On va faire de certains d'entre vous une fitna pour les autres. Atasbirun? Est-ce que vous allez patienter? Et ici, le prophète, il a dit, non, j'ai dit Abu Bakr. Elle dit, mais ya Rasulallah, Omar, il est... Et Omar, il voulait pas. Omar, il a dit, non, Abu Bakr a dit, vas-y, s'il te plaît, fais-toi, Omar. Ils avaient peur de l'mas'ouliya, de la responsabilité. Maintenant, les gens, ils se battent pour être imam. Ils se battent pour être prêcheur. Ils se battent pour être président ou trésorier, je ne sais. Subhanallah. Ici, on ne dit pas, tu l'assumes pas, ou tu l'apprends pas quand il faut l'apprendre. Quand il faut l'apprendre, tu l'apprends. Quand tu sais que c'est un ignorant qui va prendre une responsabilité, ou qui va faire du mal à l'islam, et toi, tu peux le faire, tu ne l'as pas demandé. C'est obligatoire pour toi de l'apprendre. Mais quand il y a meilleur que toi, écarte-toi, ya Abdallah, et soutiens la personne qui prend les responsabilités. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Allah dit dans le Coran, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Toute personne qui détient le commandement sur des musulmans, il est concerné par ce verset coranique. Et ils ont dit les savants, et al-ulama wa ahlul ilm, comme a dit le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, ils sont concernés par ce verset coranique, wa ulil amri minkum. Soutiens-le. Walakin ici, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda, il n'a pas voulu. Et Aïcha l'a insisté. Elle a dit, mais laisse Omar. Le prophète alayhi sallam, il a dit une expression qui montre, oh vous les sœurs de Youssouf. D'accord? Pour les comparer plutôt ici aux femmes à l'époque de Youssouf. Pour dire, vous êtes têtus. Je t'ai dit Abu Bakr, c'est Abu Bakr. Khalas. Et ici, Abu Bakr l'a présidé. Ils voulaient pas Abu Bakr. Ils avaient peur des responsabilités. Ça, c'était les compagnons, les personnes pieuses, agréées par Allah Azza wa Jal. Et nous, le jour où on aime les responsabilités. Et le prophète alayhi sallam, il a dit quand? Al-amana, les responsabilités, les dépôts seront disparus ou alors ne seront pas appréciés à sa juste valeur. Fantadhir as-sa'a. Continue avec moi, rapporté par Muslim Abu Dhar, radiyallahu anhu warda, il a dit à Rasulullah, nomme-moi responsable de telle et telle contrée. Le prophète, il l'a frappé dans l'épaule. Imagine-toi le prophète. Il frappe dans l'épaule d'Abu Dhar, un compagnon. Il lui a dit, ya Abu Dhar, au jour de la résurrection, c'est une source de honte et de regret. Tu veux le mis'ouliya? Au jour de la résurrection, c'est une source de honte et de regret. Et il dit bien, sauf pour celui qui l'aura assumé et qui s'en est acquitté comme il fallait. Ah là, d'accord, pas de problème. Il dit, amma, celui qui veut la responsabilité et qui n'assume pas cette responsabilité, il s'en acquitte pas comme il se doit. Il dit au jour de la résurrection, il y a Abu Dhar. Ceci est une source de gré, de regret et de quoi? De honte. Au jour de la résurrection, écoute bien. Il lui dit, et toi tu es faible. Subhanallah. Il lui a dit, Abu Dhar, toi tu es faible. Va dire maintenant à une personne qui veut être responsable au président, par exemple, petit exemple, dans une mosquée. Non, Allah, toi t'es faible, t'as pas beaucoup d'ilm. A'udhu billah, tu te prends pour qui toi, moi j'ai pas. Pourtant c'est dit, au moins il devrait dire, alhamdul barakallahu fika akhi, alhamdulillah, toi tu as sur moi, ya Rabbi, une responsabilité en moi. Non, comment ça moi? Moi je vais pas faire président, moi je vais pas faire trésorier. Wallah, combien de fois on a vu des gens se battre pour ça? Ils se sont battus pour des responsabilités, wal'iyadhu billah. Ici, subhanallah, le prophète, il dit à Abu Dhar, tu es faible. Il lui a dit clair. C'est pas que c'est une personne égarée. Au contraire, il veut son bien. Il lui dit, tu es faible. Par rapport à cette responsabilité, tu peux pas l'assumer. Tu peux pas l'assumer. C'est pour ça, le prophète, quelquefois, il donnait des postes à certains compagnons et pas à d'autres. Parce qu'il savait que ce compagnon avait une qualité que l'autre n'avait pas. Et l'autre avait une qualité que l'autre n'avait pas. Quand ils rencontraient ou ils envoyaient des émissaires, le prophète, alayhi sallam, les compagnons, c'était pas 5 personnes qui parlaient ou 10 en même temps. Il nommait une personne qui était le mieux placé pour parler. Chacun son poste, ya Abdallah. Comme je dis souvent, quand tu parles avec un mécanicien, et lui, il a une formation dans la mécanique, va pas jouer au mécanicien. Alors que toi, t'as même pas fait 6 mois de mécanique ou 2 mois de mécanique. Chacun son poste. C'est un mécanicien, c'est un mécanicien. Lui, c'est un médecin, c'est un médecin. Maintenant, dans la même personne, tu vois tout. Mashallah, toute option, couteau suisse. Médecin, mécanicien, tbib, guérisseur, ruqya, tout il fait. Tu parles mécanique, mais moi je connais ça, c'est la durée, tu sais ça. Tu dis, ah, le mécanicien, il a disparu. Wallah, wallah que c'est ça. Et après, il parle de médecin. Wallah que tu bois ça, tu fais ça et tu fais ça. Il est médecin maintenant. Après, tu parles de ingénieur. Wallah, tu fais ça, tu fais architecte. Wallah, si tu mets cette brique-là, ça va pas tenir. Mais l'ingénieur, il... Non, wallah que c'est pas possible. Subhanallah. Alors que même chez les non-musulmans en général, wallah quand il parle... Ah, excusez-moi, moi je... C'est pas mon poste, je sais pas, demander à ceux qui sont experts. Walakin nahnu al-arab illa man rahim Allah. Ici, c'est quoi? On veut être toute option. Chacun sa place. Subhanallah, un médecin c'est un médecin, un savant c'est un savant, un mécanicien c'est un mécanicien. Chacun sa place comme on le dit. Et chacun, il est bénéfique pour la communauté à partir du moment où il transmet cette religion comme il se doit selon ses capacités. Tout le monde doit être bénéfique pour la communauté et on ne rabaisse personne et on ne dit pas parce qu'il est mécanicien, celui-là il est moins bon ou moins bénéfique qu'un imam dans une mosquée. Abadan. Ça, y a aucune preuve ni du Coran ni de la Sunna bi fami salaf al umma. Tu peux faire une action, tu lui donnes aucune importance, cette action t'a mis au paradis. Et tu peux faire une action, tu lui donnes aucune importance, cette action a été la cause de ton entrée en enfer. Ad-dalil ala dhalik, parmi les preuves, la femme prostituée à l'époque de Bani Israël, prostituée, elle a donné à boire à un chien. Ici, ça a été la cause de quoi? Que ses péchés ont été pardonnés, elle est au paradis. Et une femme, elle a été vouée en enfer à cause de quoi? Une action. Elle a enfermé un chat ou une chatte ici et elle l'a privé de manger. Ça a été une action qui a été sa cause de quoi? La cause de son entrée en enfer. Wal'iyadhu billah. Donc ne minimise rien du tout et prends en considération ce verset coranique qu'on a cité concernant al-amana, le dépôt. Et ici, on continuera, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine avec ce sujet qui concerne al-amana, le dépôt, ou bien de façon générale, dis si tu veux, ya Abdallah, la religion, comme a dit Hassan al-Basri, ou dit al-fara'id, les actes obligatoires, comme l'a dit ابن عباس رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم وأحكم.